j'allume un joint de weed. La coupe est pleine, j'fais le vide. Y'a plus personne qui me guide. J'grandis mais j'prends pas de ride. J'nique internet, j'fais pas de bide. J'fais que du beat. J'rentre chez Gucci et j'délapide. Même moi j'la fais mouiller rapide. J'arrive en bas en dérapage. Au milieu des requins et des rapaces. Salope si j'fais ce qu'elle en sauver à part. Y'a qu'à me rester que j'refais la passe. Non, pourtant j'ai plus aucune attache. J'connais pas son blague, j'ai déjà vu sa touche. J'ai fumé sa touche, j'ai fumé ma queue. J'suis défoncé comme si j'étais un gueuche. T'as la boca, j'peux même parler en tèche. J'te connaissais pas quand c'était la dèche. J'voulais déjà tout niquer depuis la crèche. Puis j'ai tout niqué, même niqué ton crush. Ouais, dès que j'en ai un, j'vais droit au but. Déterminé comme un attaquant. Quelques grammes dans la boîte à gants. J'en étais gratuit, j'vais pas au but. Non, chez moi on parle pas aux flics. Au micro, j'les mets tous KO, j'kick. J'fais d'avotant car j'suis paro. La situation est chaotique. Rossico Beck, c'est mon énième. J'suis en feu comme ça la mèche. J'suis dans le 9-3 où y'a v'là la neige. Celle qui finit dans le nez du 16ème. Jacques mets le goulot, j'ai v'là la pêche. Regarde ma bitch, elle a v'là la pêche. Faut prada comme si j'vais à la pêche. J'peux plus trembler quand j'suis à la caisse. J'roule une fusée dans mon vaisseau. J'vois plus la lumière que des faisceaux. Appel manqué, j'ai plus de réseau. Plus des audits dans mon réseau. La vie c'est dur, mais on résiste. J'suis que le fruit, pas la résine. Elle me rejoint où je réside. Puis elle enlève ses barésies. Ta caresse, elle prend la tétine. J'ai un lion dans la rétine. Dans mon cœur, j'ai quelques épines. Il faut que je les enlève de là. J'ai comme ma bite, mon couteau, c'est moi qui mets le tablier. Je peux retourner, je peux pas stopper le sablier. Tout prend la mif, les rêves, avant le bif, les meufs. Mais pas la charrue avant le bœuf. J'suis dans l'escalier, j'imagine les paliers. J'ai besoin d'empiler les briques, j'ai besoin de papier. Dans l'ermite, les keufs, tout pour la mif, les rêves. Même les mouches t'aiment pas, t'es qu'une grosse tapette. Toujours à quatre parce que je dis passe au-dessus de sa tête. Fais galerie la fillette, je l'ai même pas ken. Elle veut déjà aller aux galeries la faillette. Elle me prend pour Dodi la faillette. Sans la barrette tout le cannabis, il faut que j'en roule un. Y'a qu'à l'île qu'on peut être à la fois au four et au moulin. Mange tes moulots, pas le temps de faire la malin. C'est le code d'honneur, demande à Joss. J'ai pas une gueule de porte-bonheur. Rock'n'roll l'attitude. J'suis plus qu'un c'est vos codes. J'aime quand le shit fait des bulles. Comme un gastéropode. J'm'en réconne comme un pitbull. Sur les Champs-Élysées. Je ne suis qu'un ange avec les ailes brisées. J'ai comme ma bite, mon couteau, c'est moi qui mets le tablier. Tout va retourner, j'peux pas stopper le sablier. Tout prend la mif, les rêves, avant le bif, les meufs. Mais pas la charrue avant le bœuf. J'suis dans l'escalier, j'ai les paliers. J'ai besoin d'empiler les briques, j'ai besoin de papier. Dans l'air nique les queues, tout pour la mif, les rêves.